أول حاجة أنا قلت يا Ça Après avoir Thank you. pur chocolat met 2 uur zin, met een glycémie en 60, maar pas lang. Weet ik glycémie. قلت لك وكذا وشغل هذا السيد وقال لي بروفوكي شغل زعما سقسى حبيب شنو فهمت Thank you. Radio des noms. Quel est l'examen morphologique que je vais faire? Je sais pas. Good. صار مك ديكو غرافين بوك زي كتنا ديك رافي بس كل كل شيء شتي زي زمان لازم ديرو تحط لك بارمي لي زيكزومبل ديكو غرافي تكوشي هاو سيف لازم تكوشي هاو قلت لك يكون هكا لازم لازم الباكاري زينا يدور على هذه اللي هكا وهذا يجي وراها هكا ويدور فهذا يمكن يخلي دي سيلول كل المدرسة Thank you. Je vous remercie. civile même si on n'est pas capable. On se retire. Soit on est capable, soit on n'est pas. Et quand on n'est pas, on se retire. Donc, je crois que je me suis terminée. Sûrement chez vous que je vais c'est vous. طاكي كاردي بالخمسة راهي راهي اطلت شوك دولار يقدر يبوسيلي تروا مي maintenant intense et de longue durée plastron longue durée plastron plastron puisque de la cicatrisation maintenant je pense pas si la congé appendicite du aigu du plastron de trois c'est appendiculaire on trouve une masse mal limitée donc c'est le trois il y aura ce qu'il y a aspirateur. L'abcès. Oui. Tu m'as un canicule. Maladie de Coran, le cœur. Si, le Coran, tu me dis qu'il est ici, moi. Oui. Je vais te couler. Le soir. Si tu es baissé, hein. C'est tuberculose. Zida. C'est tuberculose. À votre avis, quel est l'examen que je vais demander? Votre première réponse. Maladie de Crohn, c'est une maladie. Extension. Thank you.